ça risque d'aller pas très bien. Il est en cours, lui, là. Il va flancher, puis il va dire ton nom, là. Hein. Fait que, exterminateur, il doit avoir de la poudre d'extermination qui existe, là. Ben, c'est de la morelle. Oui, de la morelle. On peut tuer de la morelle? Non, c'est de la morale. La morelle est là. Oh, mon Dieu, si la morelle est là, on peut pas. Je ne tuerai point. Ah, oh, ça, c'est la morale. Ah, oh, mon Dieu, je ne frapperai point mon prochain. Eh, tabac, hein? On ne frappera pas notre prochain. Hey! Oui! On ne frappe pas notre prochain. Je ne tuerai point. Ça, c'est la morale. Ah, oh, mon Dieu. Ça, là, dans notre cerveau, là, c'est ça. C'est la mission première. Important de toutes nos actions, c'est la conscience. Je ne dois pas être méchant avec les rangs rénaldiens. Je ne dois pas embrasser sa copine. La copine à qui? À les rangs rénaldiens. Oui, mais c'est sa poupée. Sa poupée. Je ne dois pas embrasser sa poupée. Oh. Qui fait non, mais elle a dit non. Elle, c'est une poupée, il l'a achetée pour qu'elle dise oui, pour qu'elle dise oui, puis elle dit non. Il l'a payée avec son argent de poche, c'est quoi de le dire, son argent de poche. Là, il l'éclaire avec sa lampe de poche. Oh mon Dieu. Il veut que sa main, d'acquis à la poupée, lui touche le visage. On a eu peur. Son visage de poche. OK. Parce qu'il est poche. Ah, qu'il est poche. Ah, il réussit jamais. On lui a dit, tu pourras pas. Il a tes poches. Ben, il l'a pas. Il a... Être poche, là, mesdames et messieurs, de toutes les autres francophonies autres que le Québec. Parce qu'ici, on comprend, là, on rigole. poche. Ça veut dire pourri. Ça veut dire pas bon. Ça veut dire nul. Ça veut dire incompétent. Ça veut dire ça, poche, incompétent, OK? Alors, changer poche pour incompétent, OK? Alors, est-ce qu'on peut réécouter, rebobiner? On peut pas. On n'a pas, on n'a plus de bobine. Ben voyons, non, c'est comment? C'est pas enregistré? Oui, mais pas à la bobine. À la bobine? Oh, mon Dieu, la bobine de la bobine? Non, il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de bobine. Ben, il y a la bobine. La bobine pourrait traduire, mais... Alors, si on pourrait exterminer elle, par des petits produits où on achève des vous avez des petits rats, les petites souris, les petits rongeurs. Elle ronge un portefeuille, monsieur. Ah, elle ronge des cartes de crédit. Ah, elle ronge mes nerfs, là. Est-ce qu'on peut? Ben non, là, écoutez, je suis un exterminateur, mais je suis pas un inconscient. Bon, alors vous me laissez avec. On vous laisse avec votre problème. Ah, oh, mon. On peut pas diviser. Ah, oh, non. Il y a la morale de mon côté. Oui, et du mien. Ah, ben là, vous avez le trouble de vivre avec. Alors, le titre, c'est 12 singes volants qui ne sont jamais arrivés à baiser.

tu transformes le regard en question, la question en angoisse, en point fixe. Nul besoin de mourir pour être mort. La source est atteinte. Entre le délire et l'obsession, j'ai le goût d'un corps universel. Merci à Julie Stanton pour cette belle poésie. Julie Stanton est née en 1938, excuse-moi de dire ton âge, à Québec, où elle vit toujours, j'espère. J'ai un recueil de poésie que je lis régulièrement, donc j'espère te rencontrer sur Facebook. C'est un endroit universel où on peut rencontrer le peuple. Et là, j'ai un texte exceptionnel d'un auteur immense. Il en parle jusqu'au fond de son ignorance, de cette histoire sans fin. L'histoire sans fin, c'est de... C'est de l'histoire sans fin. Oh! Qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire sans fin? Ben là, elle n'a plus de fin. Oh! Elle continue. Oh! Elle ne s'arrête pas. Oh! Elle est dans l'universel. L'universalité de notre existence. Oh! Comment elle peut l'être puisque nous sommes mortels? Ah, c'est une bonne question, ça, là. Moi, j'avais pas réfléchi à ça. Ticu, ben là, mais j'avais pas. Lui, il nous ramène rapidement au pied à terre. Au pied à terre, oui. On n'aime pas vraiment les pieds à terre, nous. Oh non, on aime mieux les pieds de biche. Les pieds de biche. Oh. Ou les pieds tout court. Les pieds à monde, oui. Ça, c'est plus complexe. Les pieds tout court. Toi qui marches sur les mains et rarement sur les pieds, comme le mentionnait Jim Morrison. C'est pas n'importe qui, là. C'est Jim Morrison, l'homme surévalué de notre musique rock and roll. Rock and rock and rock and roll, rock and roll. Rock and rock and rock and roll and roll. Rock and rock and rock and roll and roll. Rock and rock and rock and roll and roll. I wanna roll, wanna, wanna, wanna, wanna roll. As-tu de l'écho? Running, wanna, wanna, wanna, wanna. As-tu de l'écho? Wanna, wanna, wanna, wanna, wanna. As-tu de l'écho? Oui, merci. Et j'aimerais ça, là, de l'écho recalé. Comme lors de mes études cégepiennes. Un? Recalé? Oh, comme ça, OK. Rock and rock and rock and roll away. Rock and roll and roll and roll away. Rock and roll and roll and roll away. Rock and roll and roll and roll away. Comme le mentionnait Jim Morrison. Jim Morrison. Aïe, j'ai un mal de tête à la Jim Morrison. Mais Jim disait, avec ses jeans, t'as fait une pub? Ben oui, j'en fais souvent des pubs. C'est des pubs inconscientes. T'es pas mal inconscient, merci. Comme le mentionnait Jim Morrison, un grand Canadien, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie, j'en ai vu des amants. J'ai une boussole de... Ma vie, l'amour. Ça fout le corps. Je sais. Oui! Oui! Je sais. Je sais quoi? Je sais! Je sais. Oui, je sais, oui. Je sais. Dans notre vie, vaut mieux savoir parce que ça fait paraître l'individu plus réfléchi. Moi, je sais absolument rien. Je suis dans l'incertitude la plus complète depuis ma naissance. Comme Claude Nougaro, je suis à côté de mes baskets. Puis ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que je ne suis pas tout seul. Il y a eu quelqu'un avant moi. Lorsque je l'ai entendu dire cette phrase, « Oh, là, je l'ai replacé en arrière, je l'ai refait jouer en avant, je l'ai replacé en arrière. » Je lui dis, hey, il est comme moi, lui. Comment il s'appelle? Ben, je lui dis. Comment? Clonera. Oh! Cette semaine, Claude Nerero. Oui, messieurs. Ici Superstar, je suis gonflé à bloc. Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Liquide. Liquide. C'est assez consistant, ça? Non. C'est un mot qu'on n'aime pas ici. Pourquoi? Parce qu'il coule de source. Oh! Il ne se laisse pas prendre. Oh, ça, c'est, ça dépend. Là. Si vous faites le cône avec la main. Le con avec la main? Non, le con, c'est le con. Puis la main, c'est la main. La main sur le con, c'est sublime. Ben, le con. OK. Le conquérant, on en connaît... Une petite minute, oui, là, vous avez des informations? Ben oui. Oh oui, merci de nous l'avoir dit. Effectivement, nous avons une information. Madame Thibodeau va très bien. Elle est maintenant à 6 cm. Elle veut atteindre son 11 cm. Non, c'est 10. Non, mais pour elle, c'est 11. Comment ça? Non, mais attendez. Là. Rapprochez-vous, madame. C'est tellement immense. Qu'est-ce qui est immense? Ce qui l'attend. Oh mon Dieu, ça fait peur. Ben, peur est un mot exagéré. Oh! Et on n'aime pas exagérer? Non, on n'aime pas trop exagérer parce que ça cache une certaine vérité. Oh! Mais 11, là, pour ce qui arrive, là. C'est quoi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oh, c'est la tête de. Oui, la tête. Oh! Pas facile, la tête, non. Un homme de tête? Non, c'est une fille. Une fille de tête? Une fille de tête. Oh, mon... Une petite minute, oui. Là. Vous avez des informations? Oui. On aimerait vous dévoiler que M. Tremblay va très bien. Il nous a raconté hier au soir que sa jeune fille de 15 ans avait été retrouvée en pleine vie. En fait, dans une autre vie, mais qui est aussi la nôtre, puisqu'elle était endormie, elle rêvassait. Et le père avait oublié de regarder au grenier, puisqu'elle avait préparé pour son inconscient, elle avait recréé une tente, ben une tente pour faire du camping, oui. Et ce camping-là n'avait pas lieu véritablement, mais elle voulait être prête. Et alors? Ben alors, elle s'était fait avec un drap, là, une genre de quoi? Ben, une genre de tente, oui. Et elle tentait de recréer l'événement. Oh! Elle était insécure. Très insécure. Elle a peur, elle, des loups-garous. Oh! Et il y en a possiblement là-bas. Possiblement est un mot peut-être peu exagéré, là. Il y en a toujours. Oh! Ça rôde! À minuit et 5, minuit et 10, tous les loups, les renards, les chevreuils avec les cheveux chevelus, là. On appelle ça des cornes. Ben, c'est des cornes chevelues. Mais non! Des cornes, c'est pas chevelu. Des cornes, c'est... C'est étrange, oui. Ça fait peur. Ben, ce n'est pas pour qui, là. Il y en a beaucoup qui aiment bien tirer sur des êtres à cornes. Des êtres à cornes, ben, des orignaux. Oh! C'est très original. Très original, les orignaux. Ah. On peut pas leur enlever ça? Non, on peut absolument rien enlever à l'orignal. Une fois tué, oui, mais vivant. On est soumis comme le taureau. Oh! Les taureaux s'ennuient le dimanche. Le dimanche, le lundi et le vendredi. Complémentaire, samedi matin à 2h15. Ça, c'est 2h15 du matin. Ben, j'ai dit le matin. Oh, c'est 2h15. 2h15. Plus il y a de corps, plus il y a de taureaux, parce qu'ils adorent. Comme la brochette, là, empaler la chair. Oh mon Dieu, hey, moi j'adore ça, les taureaux adorent. Mais moi je préfère quand les taureaux ne s'endorment pas sur les espèces d'humains là, qui veulent les confronter. Ne confrontons pas, mesdames et messieurs, ne confrontons pas l'animal. Et là je parle pas de l'humain, là, de l'animal véritablement ancré dans les racines fondamentales

ça me va qu'on puisse dire un jour. Et quant à l'amour, il n'a aimé qu'elle. On poursuit, s'il vous plaît. On y va, on ne s'arrête pas, on continue, voilà le génie arrive. Pardonnez-moi, pouvez-vous nous redire ce que vous avez osé divulguer? On poursuit, s'il vous plaît, on y va, on ne s'arrête pas, on continue, voilà le génie arrive. Merci beaucoup. Nous voilà qui arriverons ce soir vers un sentier parce que mes feuilles sont chavirées. Et me voilà qui m'agresse moi-même. Je préfère un junkie sympathique à un étudiant poil aux dents. À bon entendeur, salut! Oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression, et c'est là que ça se passe, merci, mais on aimerait bien, il y avait un petit poème, hein? Oui, je crois qu'il est glissé, il s'est glissé en dessous de la chaise, est-ce qu'on, ouais, on va se pencher. Il n'y a pas une petite musique? Ben là, il y a peut-être... Non, mais on a sans doute une expression musicale. 5 ou 24 ou... Oh, on a confondu. Oh, quel beau dû! Alors, un beau dû, mais là, les auditeurs sont là. Ben, on le sait. On doit faire semblant que tout est correct. Oh, on a juste essayé. Non, c'est pas là, excuse-moi, on a juste. Il n'y a pas d'autre chose de plus long, oui. Non, on n'a rien. Ben, voyons. Ah oui, c'est ici. On voit les secondes, c'est bon. As-tu 2 minutes, as-tu 2 secondes, gonde? As-tu 2 minutes, time consacré? As-tu 2 minutes, as-tu 2 secondes, gonde? As-tu 2 minutes, time consacré? Une petite minute, là, vous avez des informations. On croyait que c'était la bonne feuille, mais c'est pas la meilleure que l'on a pris. Alors, on va lancer l'adage, là, parce qu'on a dit, oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une secousse sismique de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression « qui d'ordine ». Qui d'ordine? Ben, qui d'ordine? On l'a remarqué la semaine dernière, qui d'ordine. On lui a dit, sors de ce corps, qui d'ordine. Ben oui, mais elle ne voulait pas. Ben. Pas vraiment. Parce qu'elle ne dînait pas. Si elle ne dînait pas, qu'est-ce qu'elle. Ben. Elle voulait s'infiltrer pour connaître le message. Ah, non, pas une autre. Ben oui. On sait très bien que lorsqu'on veut capter des ondes. Il faut se camoufler. Eh bien, voilà. Et toi, tu te camoufles? Ben, rarement, là. Mais est-ce que je peux entendre? Oui, on y va. OK, c'est très beau. C'était quoi? C'est un mi mineur. Un mi mineur. Mi mineur, mi mineur, mi mineur. Puis là, derrière tout ça, ben derrière tout ça, se cache quoi? Se cache de l'insouciance. Oui, mais attention, toi, là. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une voix normative. Mais on voudrait aussi entendre... Bon, on ne sait pas. Qui êtes-vous? Vous êtes à l'envers. Vous êtes trop sage. À force de sagesse, on s'endort, ce nom s'acquit. Oh! Et à trop connaître, on croit souvent à reconnaître. Et maintenant? Sur nous, surtout. Merci. Et c'est laquelle? Vérité. Oui. OK. Êtes-vous prêt? Ben, Gaétane, mais moi, attendez, là. Est-ce que je peux remonter le pantalon? Vous vous sentez comme un yo-yo? Monsieur, vous êtes un monsieur ou une madame? À votre nom? à mon nom. Ce n'est pas du mon nom. C'est bien vrai, il ne s'est pas nommé. Vous êtes... Je ne sais pas. J'existe. Oh, comment? J'existe? Je ne sais pas. J'existe. Fâchez-vous pas. Je peux faire tout ce que je peux. Il peut faire tout ce qu'il peut. C'est un vrai, là. C'est, on n'est pas devant une nullité. Il existe. Qui? Ah, ça, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nommer des noms? Qui? Comment? On n'aime pas ça. Pouvez-vous couper? On ne peut pas cacher la vérité. Mon Dieu, ça fait peur, là. Mais... Alors, on va s'arrêter ici. Sauf quoi? Je ne sais pas. Hein, vous êtes... Je suis de suif. De suif. Et monsieur. Alors, devant tout? Devant tout, vous êtes bien. Oh, j'aime ça. Ça, c'est des vrais sages. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas? Nous ne sommes pas. Attendez. Plus la somme, c'est soustraire. Se soustraire à la vérité. Oh, monsieur. Madame Tremblay, pouvez-vous traduire? Mais moi, c'est un langage. Premier, on le voit pas véritablement. Nous ne sommes pas de votre monde. Un autre monde. C'est des illuminés. Vous l'êtes. Comment? Vous l'êtes. Vous l'êtes? Mais si, je sous la houlette de la houlette, je l'êtes. Non. Monsieur, il se fâche. Il crache du venin. Du venin providentiel. Oui. Venin du ciel. Ben oui, c'est de la pluie. La pluie tombe sur moi. Mais moi, je fais comme si je ne la sentais pas. Je n'adopte pas. Car toute la pluie tombe sur moi. Il mange de la belle poutine, ne fait jamais la cuisine. Il aime la glu, les résidus graisseux. L'altruisme n'est pas son fort, ne s'embarrasse pas de métaphores, car c'est un nihiliste paresseux. C'est un nihiliste paresseux qui traîne la savate, l'esprit oiseux. Y'aura beau essayer de faire quand même, avec lui y'aura jamais de problème, car c'est un nihiliste paresseux. Pas de doctrine ni de règle à suivre, pas de programme pour la joie de vivre, c'est un adepte de la secte des chanceux. Se laisse porter par le courant, pas besoin de partir en courant, car c'est un nihiliste paresseux. C'est un nihiliste paresseux. Ça fait quand même pas trop prétentieux. Rien pour se faire peur à lui-même. Avec lui, y'aura jamais de problème, car c'est un nihiliste paresseux. Faire tout au strict minimum, c'est pas le gros lot qui en ferait un homme. Pas besoin d'être utile pour être niaiseux. C'est un coloc un peu carabin. Pourquoi donc laverait-il son vin? Car c'est un nihiliste paresseux. C'est un nihiliste paresseux qui est de caractère un peu osseux. Affiche le néant comme son emblème. Avec lui, y'aura jamais de problème, car c'est un nihiliste paresseux. L'autre jour, là qui s'amène, comme à toutes les fins de semaine, avec son marteau lacrymonieux gosseux. Il tape sur qui sort la tête, y'a que le moindre effort qu'il n'envaie, car c'est un nihiliste paresseux. C'est un nihiliste paresseux. Avec lui, on marche sur des œufs. Il me dit rien et moi j'y dis de même. Avec lui, y'aura jamais de problème, car c'est un nihiliste paresseux. Dans le fond, c'est un handicapé social affectif chronique. Vous parlez de qui, là, au fait? Si tu étais un mot. J'hésite.